السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، نواصل الآن في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك. Donc nous sommes toujours dans le sujet du qadar. Nous avons dit expliquer que le qadar est de quatre مراحل. طيب، أولا العلم. Après, Al-Kitaba, l'écriture. Ensuite, Al-Mashi'a, la volonté. Ensuite, Al-Khalq, la création. Nous, on a pris on a déjà pris les deux premières étapes, qui sont Al-Hilm ou Al-Kitaba, l'écriture. Ensuite, l'écriture, on a expliqué qu'elle se divisait en plusieurs marahil. Il y a celle qui est Azali, l'écriture de toujours. Il y a celle qui est Umri, et qui est de deux sortes, qui est liée au temps de vie. Une qui a lieu lorsque Allah Azzawajal a pris l'engagement envers les fils d'Adam. Et le deuxième, c'est lorsque Allah Azzawajal envoie l'ange décréter le temps de vie de la personne. Ensuite, on a dit, il y a Al-Takdir Al-Hawli, celui qui est annuel. Celui-ci, il a lieu la nuit de l'Eid al-Qadr. L'Eid al-Qadr. Et ensuite, on a le Taqdir qui est Yaumi, qui est quotidien. Celui-ci, il a lieu chaque jour. Taïb. Donc maintenant, on va poursuivre dans les deux autres étapes qui restent dans les étapes du Qadr, qui sont Al-Irada, Al-Mashiyah et Al-Khalq. La volonté et ensuite la création. Taïb. Yaqul, Rahimahullah Ta'ala. في السؤال التاسع واربعين بعد المئة 149 question. ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة. Donc maintenant elle a dit c'est quoi la preuve de la troisième étape qui est celle de la foi en la volonté, la mashia. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Et vous ne sauriez vouloir si ce n'est que Allah a voulu. الإنسان. Verset 30. وقال تعالى وَلَا تَكُولَنَّا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Il ne dit pas d'une chose que tu la feras demain sans dire si Allah le veut. Surat al-Kahf, la caverne, versets 23 à 24. Et là, Bab al-Fa'ida, Inch'Allah, on l'avait déjà expliqué la dernière fois dans la Muhadara sur les causes de risque, ou plutôt ceux qui en privent, que de ne pas dire Inch'Allah peut être une cause pour que tu sois privé de la chose que tu as voulu, du fait que tu n'as pas dit Inch'Allah. Et le Bab al-Fa'ida, Inch'Allah et La ilaha illallah sont deux phrases tellement simples à dire qu'on peut les dire sans bouger les lèvres. Tu peux dire Inch'Allah sans que tes lèvres ne bougent. Et tu peux dire La ilaha illallah sans que tes lèvres ne bougent. Car ce sont des lettres qui sont, elles, basées, prononcées par la langue et pas Al-Harq, qui est la gorge. Ce ne sont pas des lettres qui sont, elles, liées aux lèvres. Donc, des fois, tu peux même dire « La ilaha illallah » comme ça, en bougeant la langue sans que personne ne le voit. Et tu peux des fois dire « Inch'Allah », par exemple, tu as une chose à dire à quelqu'un, et tu ne veux pas forcément qu'on entende ton « Inch'Allah », tu peux le dire sans qu'on t'entende, en bougeant la langue. D'accord ?« Inch'Allah » et « La ilaha illallah », cette expérience, vous pouvez les prononcer sans bouger les lèvres, sans que personne ne le voit. Non. « Souma yakoul » قال الله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Que celui que Allah veut, il l'égare, et celui qu'il veut, il le met sur le chemin droit. Al-An'am, le bestiaux, verset 39. وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. Et que si Allah il avait voulu, il aurait fait de vous une seule et unique communauté. Al-Nahl, les abeilles, verset 93. ولو شاء الله ما اقتتلوه. Et que si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Baqara, la vache, verset 253. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ. Et que si Allah avait voulu, il aurait été secouru d'eux. Surat Mohammed, verset 4. Et nombreux sont les versets qui parlent de cela. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبْ مُوَاحِدْ يَصْرِفُهَا كَيْفَ يَشَاءَ. Et qu'il a dit que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts, parmi les doigts du Rahman, comme un seul cœur, et qu'il les contrôle comme il veut, les retrouve comme il veut. C'est pour ça qu'il faut beaucoup répéter. Il y a Mokaleb el Koulub, Sabit Kalbi, Allah, Dinik. Oh, toi qui retournes les cœurs, rafferme mon cœur sur ta religion. C'est important de dire cela, car nous ne sommes pas à l'abri que Allah Azzawajal puisse retourner nos cœurs par la suite. Combien étaient sur la guidée, et sur le khayl, sur la voie droite, et par la suite sont retrouvés parmi les pires des gens. Ils ont apostasié, ils ont dévié, ils ont tout lâché. Et Allah n'est pas injuste, c'est toujours une cause qui s'est faite, quelque part dans le cœur de la personne, que nous on ne connaît pas. D'accord ? Mais toujours faire en sorte que Allah Azawajal fasse les causes de raffermissement à fond dans la religion. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نومهم في الوادي إن الله تعالى قبض أرواحهم حين شاء وردها حين شاء. Il a dit lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم s'était endormi dans la vallée et qu'ils avaient justement raté la salat du Fajr, il s'était endormi et le Nabi صلى الله عليه وسلم avait dit à Bilal de surveiller le temps. Et lorsque l'heure du temps du Fajr venait de faire l'Azan, ils sont tous endormis, ils n'ont tous pas fait attention, ils sont levés, alors ils sont réveillés alors que le soleil était déjà levé. Le soleil était déjà levé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah azawajal a saisi vos âmes quand il a voulu, il les a envoyées quand il a voulu. Ce qui prouve que lorsqu'on dort, notre âme est saisie. On est comme un mort en fait. Les gens qui meurent dans leur sommeil sont des gens à qui Allah azawajal saisit leur âme et ne la renvoie pas par la suite. D'où le fait de faire des askar avant de dormir, c'est très important. Et que le sommeil était appelé la petite mort. El mot, el sughra. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisan rasulihi ma sha'a. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, intercédez, vous serez récompensé, et que Allah décrète sur la langue de son messager ce qu'il veut. Donc là, c'est tous les adillah qui montrent que le verbe sha'a yasha'u, qui veut dire vouloir, sont des preuves que Allah Azzawajal a une volonté. Et que rien ne peut se faire sans sa volonté. Donc là, il va citer une masala qui est très importante, dans laquelle beaucoup de gens s'interrogent et que beaucoup n'ont pas compris, par laquelle beaucoup se sont égarés. Il dit Fissouel al-Khamis Bad al-Miyah. 150e question. قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء الله يريد ما لا يرضى ولا يحبه. Donc dans son livre, Allah Azzawajal nous a informé, ainsi que par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, que Allah Azzawajal, parmi ses attributs, il y a l'amour, et que Allah, il aime les bienfaisants, il aime les craintifs, il aime les patients, et qu'il agrée ceux qui ont cru et qui ont vrai dans le bien, et qui n'aiment pas les mécréants, qui n'aiment pas les injustes, et qui n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance, et qui n'aime pas le désordre. Et malgré cela, voyez, c'est-à-dire que tout cela est par sa volonté, comment se fait-il que Allah Azawajal ait voulu des choses qu'il n'aime pas? Comment il peut se passer dans son royaume des choses qu'il n'aime pas, qu'il n'agrée pas? D'accord? Donc c'est quoi la réponse à cela? Donc là, on va y répondre. Car souvent, les gens ils disent, mais si Allah n'avait pas voulu telle chose, c'est qu'il n'aime pas, il ne l'aurait pas faite. D'accord? Si je fais telle et telle chose, c'est que là, il a voulu, et s'il a voulu, c'est qu'il aime. On dit non, Allah peut vouloir une chose et ne l'aime pas. Et là, c'est des choses qui sont liées à la langue arabe, il faudra faire très attention. C'est très, assez subtil. D'accord ? Qui est Yaqul, i'alam an al-irada fin nusus ja'at ala ma'nayin. Que al-irada. Irada, c'est le mazar du fi'l arada yurido, qui veut dire vouloir. Mais qui n'est pas le même verbe que sha'a yasha', qui en français veut dire également vouloir. Mais entre les deux, il y a des subtilités. Entre yurid ou yasha, il y a des subtilités. Donc cette irada, qui on peut en dire que par volonté, elle est venue dans deux sens en islam. Irada kauniya qadariya, qui est une volonté universelle et qui est liée au qadar. Et ce qu'on appelle, c'est la même qu'on s'appelle el-mashiya en fait. El-mashiya, c'est le masdar de sha yasha'u, et qui est également traduit par volonté. Et cette volonté n'est pas liée à l'amour ou à l'agrément. Dedans rentre tout ce que Allah Azawajal a décrété qu'il aurait forcément lieu. Cette irada al-kawniya, elle a forcément lieu et ce n'est pas forcé que Allah l'agrée. D'accord ? Donc, dedans rentre la mécréance, également la foi. Dedans rentre l'obéissance et la désobéissance. Dedans rentre ce que Allah il aime et ce qu'il n'aime pas. D'accord ? Et que cette irada, personne ne peut en sortir. Donc, ça veut dire quoi ? Que cette irada, kawniya, d'accord ? Elle a forcément lieu. Ça en dedans également les règles physiques que l'on a en nous. Les règles physiques, par exemple, que l'être humain, il doit dormir pour se reposer, il doit manger pour vivre, il doit boire, qu'on vieillit, forcément, on ne peut pas empêcher le processus de vieillissement, que l'être humain ne peut pas voler, que l'oiseau vole. Ça rentre dans quoi ? Elle dira d'Al-Kawni, il y a des choses qu'Allah a voulu qui forcément elles ont lieu. Elles sont indiscutables. Vous voyez ? C'est des choses qui sont irrévocables. Donc ça s'appelle également Mashi'a. Mashi'a. Al-Irada al-Kawniya, Qadariya, s'appelle également Mashi'a. En français, on la traduira par volonté. Volonté universelle. Dans le sens où Allah dit, ou plutôt dans le Coran, il dit فَمَنْ يُلِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُلِدِ أَنْ يُدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Que celui que Allah veut guider, il lui épanouit sa poitrine à l'islam. Et celui qui veut guider, il fait en sorte que sa poitrine devienne serrée et étroite. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas la vérité. D'accord ? Et également, Shaitan, il existe. Pourtant, Allah ne l'aime pas. Ça, c'est bien par Al-Irada Al-Kawniya. Allah n'aime pas les mécréants. Pourtant, ils existent. Hada yarji'a ila Al-Irada Al-Kawniya Al-Mashi'a. D'accord ? Ça vient Al-Mashi'a. Al-Irada Al-Kawniya. Ça, c'est la première. Celle-ci a forcément lieu et celle-ci, Allah ne l'aime pas forcément. Il ne l'aime pas forcément. Mais elle a lieu. Pour une sagesse qu'Allah Azzawajal connaît. Celle nous dépasse, mais pour une sagesse qu'Allah Azzawajal connaît. Et l'autre, irada, c'est diniya shar'iya. C'est qui est la volonté religieuse qui est, elle, liée à la législation. Et celle-ci, elle n'a pas forcément lieu. Et Allah l'aime forcément. Comme par exemple, l'islam, que Allah Azzawajal veut de nous qu'on se convertisse, qu'on se soumette. Est-ce que tout le monde se convertit, s'est soumis ? Non. Mais Allah, il aime cela. Et il veut cela pour nous. D'accord ? Mais cela n'a pas forcément lieu. Cela n'a pas forcément lieu. Et attention, dans cette irada, shal'iyya, il n'y a pas de mashi'a. La mashi'a, c'est la première seulement. Irada al-kawniya. D'accord ? Ce qui a forcément lieu. Et maintenant, l'irada, qui est la volonté, qui, elle, est liée à la législation et à la religion, celle-ci, il n'y a pas de machia dedans. Mais ça n'apparaît pas en français, car tout se traduit par volonté. Donc, l'irada, elle est de deux sortes, mais le machia n'est qu'une sorte et elle rentre dans la première sorte de l'irada, qui est le kawniya al-qadariya. À bien comprendre cela. Au début, ça peut être dur à saisir quand on ne parle pas l'arabe, parce que tout s'appelle volonté. Mais par cela, on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui se déroulent dans le royaume d'Allah Azzawajal et qui n'aiment pas forcément. Parce que souvent, tu vois des gens dire, comme on l'a dit tout à l'heure, si cela se déroule, c'est que Allah, il aime. Donc, ils vont dire, Allah, il aime l'injustice, il aime la mort des faibles, il aime que les tyrans aient le dessus. Non, il n'aime pas cela. Mais cela a lieu pour une sagesse. Et cela a lieu de façon irrévocable. Et Allah, il sait pourquoi ça a lieu, mais il n'aime pas forcément cela. Et comme on l'expliquait, pour grand exemple, tu dis Iblis existe ou pas ? Il va dire oui. Est-ce que Allah il aime ? Il va dire non. Khalas. Donc ce n'est pas tout ce qui existe que Allah a voulu qu'il aime forcément. Non. Donc il dit Hiya mukhtasa bi maradillah wa mahabbi wa lam muqtadaha amara ibadahu wa nahahum ka qawli ta'ala yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Donc cette irada qui est liée à la législation et à la religion, c'est une volonté que Allah il aime forcément. Elle lie à ce que Allah il aime. Ce sont des choses que Allah veut et qu'il aime, mais n'ont pas forcément lieu. Et des choses également que Allah a interdit. D'accord ? Et ces jours-là n'ont pas forcément lieu. Tout ce que Allah a interdit qui est haram, pourtant les gens ils le font, ils transgressent. Allah ne veut pas que tu bois de l'alcool. Pourtant l'alcool il existe. Allah ne veut pas qu'on mange du porc, pourtant le porc il existe. Allah ne veut pas qu'on fasse zina, qu'on fornique, et pourtant on a moyen de le faire si quelqu'un voudrait le faire. D'accord? Et bien, il peut, il a les moyens de le faire. Taïeb? Non. Donc cette irada, d'accord? Quand Allah dans le Coran il dit yasha'a, c'est une chose qui a forcément lieu et qui n'aime pas forcément. Et quand Allah Azzawajal, il dit yurid, ça peut être l'une ou l'autre. Ça peut être l'une ou l'autre. Ça peut être irada kauniya, qui est le mashia. Et ça peut être l'irada al-diniya, shad'iya, qui est l'autre, que Allah veut, mais qui n'a pas forcément lieu. Non. Et mathalan, un exemple, un croyant qui était par exemple kafir et qui s'est soumis à Allah, qui s'est converti, lui rentre dans les deux. Car il a forcément eu lieu ce que Allah a voulu, et également il s'est passé ce que Allah aime. Lui, il rentre dans les deux irada. D'accord ? Et ce qu'on appelle, je rappelle souvent, ce qu'on appelle un muwaffaq, personne qui a reçu le tawfiq, c'est quelqu'un qui justement accomplit cette irada et shad'iyya, qui accomplit ce que Allah Azzawajal aime. C'est lui le muwaffaq. Et tawfiq, c'est que Allah Azzawajal t'accorde de pouvoir faire ce qu'il aime. T'accorde de pouvoir faire ce qu'il aime. C'est ça le tawfiq. Quand on dit aux gens, au bilal le tawfiq, Allah yuwafiqouk, qu'Allah t'accorde le tawfiq, c'est que Allah t'accorde de faire ce qu'il aime. De faire les choses qui sont liées à sa législation. C'est ça. Et non pas forcément que tu aies fait une chose qui te convienne et qui te plaise. Là, on parle en religion. D'accord ? Quelqu'un, par exemple, on donne un exemple, quelqu'un, il dit, il a fait un commerce et il dit, ah, wufikto, j'ai eu le tawfiq, j'ai réussi mon commerce, il a été fructif. On dit, mais est-ce que ce commerce est vraiment un soutien pour toi en religion ? Tu ne sais pas. Donc, c'est peut-être pas forcément un tawfiq. Ça peut être un istidraj d'Allah Azzawajal. Pour ce que tu as fait, Allah te donne ce que tu aimes. Donc, en réalité, ce n'est pas bien pour toi. On en a parlé la dernière fois dans la muhadara. Comme encore le ta'ala. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلِيمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Et lorsqu'ils ont oublié ce qu'on leur a enseigné, ce qui leur a été rappelé, nous leur avons ouvert les portes de toutes choses. À tel point qu'ils ont été réjouis, et de là, nous les avons saisis de façon inattendue, et les voilà qui sont perdus. Et on a dans le hadith, on a vu que si tu vois que Allah Azzawajal donne à son serviteur ce qu'il veut alors qu'il le désobéit, sache que c'est un istidraj, ce qu'on appelle que Allah l'amène par étapes vers la chose qui lui nuira. Donc quelqu'un qui dit, moi j'ai telle chose, j'ai eu le tawfiq, tu ne sais pas. Est-ce que c'est un bien pour toi ou c'est un mal pour toi? Tu ne sais pas. Mais quand c'est lié à la religion, là oui, c'est un tawfiq pour toi. Quand tu fais une chose qu'Allah Azzawajal a ordonné, tu étais muwaffaq. Tu fais les 5 salawat à l'heure, tu es muwaffaq. Tu les fais au mosquée en groupe, t'es muwaffaq. Tu es une femme qui arrive à porter le hijab, à se cacher complètement, t'es muwaffaqa. D'accord ? Tu es un frère sur la salafi, la sunna, t'es muwaffaq. Tu arrives à faire la hijra, t'es muwaffaq. Ce sont des choses que Allah Azzawajal, il aime et qu'il veut. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrivera à les faire. Quand on t'arrive à les faire, alors sache que tu étais muwaffaq. Tu as reçu le tawfiq. Donc là, tu remercies Allah Azzawajal et fais en sorte que ce tawfiq continue avec toi jusqu'à ta mort. Naam. Tayyib. Donc là, on a fini de parler de cette irada qui est de sorte. Une qui a forcément lieu et que Allah n'aime pas forcément. Et l'autre qui n'a pas forcément lieu et que Allah l'aime forcément. D'accord ? Ça répond à beaucoup de questions. Cela répond à beaucoup de questions. Donc maintenant, on va prendre l'adillah de la quatrième martaba du qadar qui est al-khalq. Qu'une fois que Allah Azzawajal a su, ensuite il a écrit, ensuite il a voulu. Et là, on va expliquer c'est quoi vouloir. D'accord ? Et là, quand on parle de vouloir, c'est la mashia al-kawniya. D'accord ? Que Allah a voulu la chose, ça ne veut pas dire forcément qu'il aime, mais il a voulu qu'elle ait lieu. Pour une sagesse qu'il a voulu, là maintenant, il a créé cette chose-là, c'est-à-dire qu'elle a forcément lieu. Donc maintenant, c'est quoi les adillah du khalq ? Ils sont très nombreux. Que Allah, c'est lui qui crée toute chose. Donc, هذا هو السؤال الواحد والخمسين 51 بعد المئة 151 question. ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بقدر وهي مرتبة الخلق. Donc maintenant il dit c'est quoi l'épreuve de la quatrième étape de cette foi au destin qui est celle de la création. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Que Allah crée toute chose et qu'il est ce porte-garant de toute chose. Surat Az-Zumar, l'ornement verset 62. وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Est-ce qu'il y a donc un créateur autre que Allah qui vous accorde la subsistance depuis les cieux, depuis le ciel et la terre? Verset créateur, verset 3. Wa qala ta'ala, hadha khalqullahi fa'aruni ma hadha khalaqa allatheena min dunihi. Donc voici la création d'Allah, Azza wa Jal, montrez-nous ce qu'ont créé les autres en dehors de lui. Surat Luqman, verset 11. Donc ce qu'il y a, tout ce qui se passe dans le royaume d'Allah, Azza wa Jal, c'est qu'il a forcément voulu. Mais c'est quelle volonté? On a expliqué, c'est laquelle volonté? Al-Mashi'a ou volonté Kauniya. Et celle qui a forcément lieu et qui n'aime pas forcément. Tu ne pourras faire une chose sans que Allah l'ait voulu. Est-ce qu'il est concevable que quelqu'un fasse une chose dans son royaume d'Allah et que Allah n'a pas voulu et qu'il ne veut pas? C'est-à-dire qu'il y aura un autre créateur. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y aura un autre créateur. Et ça, c'est pas possible. Donc, toute chose qui existe, que ce sont nos actes, que ce sont nos paroles, que ce soit même notre volonté, c'est une chose que Allah Azzawajal a voulu. Qui est la Mashiyah, celle qui a forcément lieu. Si elle ne veut pas, ça n'aura pas lieu. Si Allah ne veut pas, ça n'aura pas lieu. Quoi que tu fasses, ça n'aura pas lieu. Et si jamais Allah le veut, quoi que tu fasses, ça aura lieu. Ça aura lieu. Et l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son livre, Khalq Afal al-Ibad, il dit « Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa sun'ata » que Allah a créé tout façonneur et ce qu'il a façonné. C'est-à-dire, toute création, toute chose qui a été faite, Allah a créé celui qui l'a fait et la création. Quand on dit création, là on parle de la création qui est liée à la créature. Car la créature peut être nommée créateur. Cependant, c'est une création qui est limitée, qui en réalité n'est que un assemblage. Mais la matière de base, c'est Allah qui l'a créée. Dans le Coran, Allah a dit « Wallahu khalakakum wa ma ta'amaloun » qu'Allah vous a créé ce que vous faites. « As-safat » les rangées. Allah vous a créé ce que vous faites. Donc, il faut bien comprendre cela. Tout ce qui se fait, c'est une chose qu'Allah a créée. D'accord ? Et qu'une chose qu'il a voulu, d'une volonté universelle, et non pas d'une force, d'une volonté religieuse qu'elle n'aime pas. Là, on part dans le mal. Ça, c'est un sujet qui est subtil, il faut bien comprendre. Et qui est très important dans la Aqida. D'accord ? Parce que des gens ils disent, le mal, Allah ne l'a pas voulu. On dit, dans quel sens il n'a pas voulu ? Le mal, il n'a pas voulu dans le sens de la irada shad'iyya, qui est la volonté liée à la religion. Mais si jamais cette chose-là, elle a lieu, c'est forcément tartel mashi'a, qui est liée à la volonté universelle. Donc cela n'a lieu que parce qu'Allah l'a voulu. Sans quoi on va inventer un autre créateur. Ça, c'est très dangereux. Tu vois ? Ils vont dire, telle chose, elle a eu lieu, mais Allah ne l'a pas voulu. On dit, de quelle volonté tu parles ? De quelle volonté tu parles ? Si jamais tu parles de la volonté religieuse, on dit, non, mais il n'a pas voulu. Mais si on parle de la Mashiya, il l'a voulu. Et elle a eu lieu. Sans quoi, si cette chose-là s'est déroulée, et que Allah ne l'a pas voulu, ni dans celle-ci, ni dans celle-là, c'est que tu auras inventé un autre créateur. Donc tu auras fait quoi ? Du shirk à ce moment-là. D'accord ? Du shirk. Le haram, Allah ne l'aime pas, mais il a lieu quand même. Et beaucoup de gens se trompent dans ce bab-là. Beaucoup de gens se trompent dans ce bab-là. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ders, ce qui est important. En réalité, ça mérite plus de paroles. Mais nous, c'est des questions-réponses, vous savez, assez brèves. En espérant que c'était assez clair pour certains d'entre vous. Peut-être pour d'autres, ça ne l'est pas pour l'instant, mais le jour où, Inch'Allah, vous apprendrez l'arabe et vous insérez auprès des gens de science, peut-être qu'ils arriveront à mieux vous clarifier la chose. Mais ça, c'est un bab qui est très important dans lequel beaucoup sont perdus. Tayyib, fa'anak tafi biyad al-qadr al-yom, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.